Dossier 3. Leçon 2. Activité 8. Nous poursuivons notre émission dont le thème du jour est, je vous le rappelle, l'interculturel. Je me tourne à présent vers Yves Barthès, qui est professeur dans une école de commerce lyonnaise, n'est-ce pas ? Bonjour. Oui, c'est bien ça. Et j'ajouterai que notre école accueille régulièrement des stagiaires étrangers. Par exemple, l'année dernière, un groupe d'étudiants en économie indonésiens était venu suivre un stage d'un an dans nos locaux. Au bout de 3 mois, ils étaient parfaitement adaptés à notre environnement. Ils avaient appris à me regarder bien en face et ils riaient très souvent. Qu'est-ce que vous leur aviez enseigné exactement ? Il faut dire que le sujet de mon séminaire avec eux, c'était justement les problèmes interculturels dans les relations internationales. Voilà un sujet très utile. Et oui, cela permet d'aborder précisément toutes les bizarreries de l'autre et de prendre conscience de sa propre culture en analysant celle des voisins. Je me souviens que le jour de la remise des diplômes, ils étaient tous souriants et décontractés et la présence de l'ambassadeur d'Indonésie ne semblait pas les impressionner. Ils avaient donc parfaitement compris votre enseignement. Oui, si vous voulez. Mais j'avais un petit problème. Mon unique participante femme avait vu à la télévision qu'on embrassait volontiers les dames quand on leur remettait une décoration, un prix ou un certificat. Elle semblait effrayée par cette perspective. Et alors ? Elle n'est pas venue le jour de la cérémonie ? Si, si, attendez, c'est tout le contraire. Quand son tour est arrivé, j'ai vu s'avancer devant moi une jeune femme souriante qui a tendu la joue pour se laisser embrasser. C'était gagné. Voilà comment je conçois les relations internationales. Des rires et des bisous.